Il y a. Comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? Janine? Ginette. C'était l'autre que j'en parlais, je parle pas des femmes dessus. Il y en a d'autres, je vous ai montré tout. Je vais vous les montrer tout. Eh, ça me donne un autre. Mais je vais vous les montrer. Avant que je parte, je vais vous les montrer tout. Il y a des femmes qui ont des hommes. Puis il y aura un équilibre entre les femmes et les hommes. Il y en a un problème. D'accord, on va quand même pour ça, parce qu'on va être moins intéressant. Non. Tu n'as pas besoin d'être cohérent. C'est non. Non, non, c'est juste ça. Il ne s'agit pas d'être cohérent. Quand tu parles à quelqu'un, tu fais quelque chose. Même sur le téléphone. Parce que ça lui correspond. Il s'agit d'être indien. Il va venir un point où vous n'aurez plus personne à parler de tout ça. C'est ça. Ça se sent déjà. Ouais. Il va venir un point où vous n'aurez plus personne à parler de vous autres. Il y en a parmi vous autres qui auront la vibration pour telle chose, il y en a d'autres qui auront la vibration pour telle chose, d'autres qui auront la vibration pour telle chose. Ces quelques personnes-là qui sont à peu près 20, une vingtaine, serviront de point de repère pour les autres. Jusqu'à temps que d'autres travaux s'effectuent sur d'autres plans pour d'autres activités. Dans ma tête, à moi, ils m'ont dit, on va tout maudire. Ouais. Mm-hmm. Ben, si, parce que dans ma conscience, c'est peu maudire. Et on va tout péter à sa bête. Ça, c'est des voix avec des nerfs. C'est ce que je vois avec des nerfs. Croyez les bords, le seul temps que vous pouvez croire quelque chose, dans ce sens que le seul temps que vous pouvez savoir que ça va être comme ça, c'est quand vous le dites, jamais quand vous l'entendez. Ah, oui, c'est bon. Watchez toujours ce que vous dites, mais refusez-vous jamais ce que vous entendez dans votre tête. Mais écoutez ce que vous entendez dans votre tête. Ouais. Ça, c'est bien important. Ce que vous dites, c'est bien important, mais ce que vous entendez, c'est sans important. Ce que vous entendez, ça fait partie du travail qui se fait sur mon corps. Ce que vous dites, ça fait partie de votre créativité. Fait que plus vos corps s'ajustent, plus votre créativité devient précise. Fait qu'éventuellement, vous allez oublier de faire bien attention à ce que vous dites, puis vous allez watcher tout ce que vous allez dire, parce que tout ce que vous allez dire, ça va vous dire quelque chose, c'est là que vous allez voir. C'est par votre parole, par votre bouche, que vous allez connaître l'avenir, et non parce que l'autre vous dit. Le seul temps que vous pouvez vous fier à ce qu'il vous dit, c'est quand vous êtes fusionné. Tant que vous n'êtes pas fusionné, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous dites, mais vous pouvez vous fier à ce que vous dites. Voyez-vous? Quand vous êtes fusionné, vous pouvez vous fier à ce qu'il vous dit, vous pouvez vous fier à ce que vous dites. Les deux, vous avez les deux. Fait que fiez-vous jamais à ce qu'ils vous disent, mais fiez-vous à ce que vous dites. Puis plus vous avancez, plus vos corps s'ajustent, plus ce que vous dites, s'ajuste. Puis là, vous apercevez que vous commencez à délire l'affaire, puis que ça se produit, puis que même ça marche, puis c'est là que vous voyez ça. En même temps, votre ego s'ajuste. Ce sont les choses que vous dites qui sont importantes parce que je vous ai dit que la connaissance est une illusion. Ce qu'ils vous disent, ça fait partie de la connaissance. C'est seulement quand tu es fusionné que ce qui te dit, ça fait partie de la connaissance parce que ce qui te dit, ça fait partie de ce que tu sais. Parce que quand des fusionnistes qui disent quelque chose, tu dis c'est ça ou c'est pas ça. Instantanément. Parce que quand des pas fusionnistes qui disent quelque chose, tu sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. satisfaisant. C'est pour ça que je dis, la connaissance est une illusion. Fait que quand vous êtes fusionné, vous allez en savoir à ce moment-là, si tu vous dis, si tu dis quelque chose, tu sais que tu sais pas ça, tu t'argumentes avec les autres pour leur faire dire que c'est que tu veux, qui te dit. D'abord, si tu, voilà. Si tu sais que c'est pas ça, c'est parce que quand tu es fusionné, tu es dans ton propre savoir. Quand tu es fusionné, tu es dans ton propre savoir. C'est pas au service de la personne quand tu es fusionné. Tu es un agent libre. Non. C'est à eux autres de travailler avec toi. Ouais. Pour l'évolution de l'humanité, l'évolution des mondes, l'évolution de la lumière. Tu vas m'asseoir. Hein? Oui. C'est intéressant à soi. Ouais. Ça dépend de relation avec l'instruction à travers vous autres. Tu l'aimes bien à soi, si vous êtes en cours. Moi aussi, je suis en cours. Ce que vous dites, c'est parti de votre savoir. Votre savoir est plus ou moins ajusté. Plus vous devenez conscient. Tandis que ce que vous entendez, ça va être secret. As-tu remarqué, Mathieu? As-tu remarqué que quand tu parles, tu te questionnes jamais? Tu te questionnes toujours la phrase que tu dis. Quand tu parles, tu ne parles pas quand tu parles. Quand tu parles, tu parles. T'es dans la connaissance. Suivant ton ajustement. Fait que si tu parles quelque chose d'intelligent, là ton ego réfléchit. Ton ego dit pourquoi tu le fais pas. Ou ton ego se questionne sur ce que tu dis. Parce qu'il doute de ce qu'il dit. Quand vous parlez de le savoir, c'est juste avec le temps, éventuellement, vous êtes dans le savoir. Et quand vous entendez, vous êtes dans la connaissance. Puis vous n'êtes pas fusionné encore, vous ne pouvez pas vous fier parfaitement à la connaissance. Quand vous serez fusionné ou quand vous serez réellement proche de la fusion, à ce moment-là, vous saurez si vous comptez des blagues ou non, que vous les forcerez à vous dire quand même. La seule affaire importante, c'est de faire parler de psychologue. Ah! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, psychanalyse? Le psychologue, c'est celui-là, 25$, puis Marie. Le repas. Le repas. C'est ça. Ils ont raison. Exactement. Bernard, on se complique toujours par le mystère, le mystère, il y a du mystère, il y a toujours du mystère. Tati, en salon, il parle du doute. Quand il dit le doute, là, c'est simple, prévisible. Quand tu vas te connaître assez bien ton intérieur, tu pourras plus douter de toi-même. Puis quand tu ne douteras plus de toi-même, ta franchise est sur le doigt. Puis quand tu as franchi ce mur-là, tu vas faire partie de l'invisible. Parce que l'invisible, il n'y aura plus de barrière. Il n'y a plus rien de qui t'appare. Il n'y a plus rien là. Tu ne doutes plus de toi, de ton intérieur. C'est vrai, tu vas porter C'est bien mystérieux, puis il y a toujours des personnages invisibles, puis il y a toujours aussi. Mais Ouais. attends, le point invisible dans les faits, c'est quand tu te connais, tu es sûr que tu as plus peur, les gens invisibles de d'autres dimensions, de d'autres mondes, ils vont t'approcher, puis tu vas dire adorer, puis ça marche pas, ça marche pas. Absolument, ça marche. L'invisible, c'est Mais nous ça par demande la progression vers l'invisible, la progression vers les autres plans, nécessite toujours une préparation. Puis quand tu es arrivé à la fin de la préparation, c'est automatique. C'est automatique. Quand tu arrives à 5 heures le matin, c'est le soleil. C'est automatique. Il est 5 heures du matin, là. Il se lève pas à 3 heures le soleil. Parce que tu veux. Quand j'arrive à 5 heures, il se lève. C'est la même chose. L'avais-tu fait? Comment ça va-tu pas? En tout cas, la dernière conférence que Dr. Bernard a donnée, je pense qu'on a la réflexion dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup plus de douceur parce que si on comprend vibratoirement plus facilement, ça coule. Alors qu'avant, c'était on se sentait heurté. Tandis que là, ça a changé de niveau aussi cette fois-là. Tu mets le plaisir pour aussi. C'était doux, mais c'était pas. Maintenant, le symbolique, ça va être le symbolique du chiffre. Ça veut dire autre chose chez l'initié d'une personne. Le Nazaréen avec tout ça. J'ai été voir le film cette semaine, le jardin du Bois-Écouté, qui est un spécial. Il dit qu'à un moment donné, il est venu d'autres personnes à l'autre dame du bois, qui savaient pour son spécial que ça leur disait intérieurement, son spécial. Il dit qu'il y en a plus d'autres. On donne la valeur, on donne. Vous expliquer d'une autre façon. Nous autres, les hommes, tant qu'on pense, on est tout petit, tant qu'on pense qu'on doit être amené à comprendre des choses qui sont de l'ordre non matériel, ça prend toujours un outil. Qu'est-ce que c'est l'outil? C'est le symbole. Fait que les initiés sont trop pognés avec des doutes, mais ça crée une symbologie, ça crée une mystique, ça crée ça crée. Les gens s'attrapent, ça devient des religions dans le cas du Christ de cette affaire. C'est des trucs! J'aurais pu en avoir 7, j'aurais pu en avoir 11. L'association. Allez, des religions, des religions orientales. C'est tout du symbolisme, c'est tout du symbolisme, c'est ça. L'astral, ça tient. C'est de la colle, c'est du ciment. C'est évident. Symbolisme. C'est bon. C'est que ça me fait un peu d'autres. C'est ville de fort. C'est l'esprit de construire. L'esprit. Vous construisez des forts, mais c'est ville. C'est ville de fort. Quand je dis l'éthérique des villes, je veux dire que l'éthérique n'est pas contaminé. On pourrait prendre un exemple, Bernard, sur l'électricité. Vous essayez de voir l'électricité dans l'air, vous ne la voyez pas, mais elle est pleine d'énergie. Elle s'accumule avec deux métaux qui tournent près de l'un à l'autre, qui l'attirent et elle se manifeste dans un corps quelconque. Quand dans le monde sans forme, ça peut s'expliquer si ça vous aide, là, qu'il n'a pas de forme, ça ne peut pas être vu par les yeux d'un corps quelconque, excepté un corps d'or. Alors, il y a toute l'énergie pour faire les formes au-dessus des mondes spirituels, pour faire des formes pures, mais c'est un vide qui paraît vide, mais qui est plein. C'est pour ça que quand tu parles du monde éthérique, là, ben c'est plein, mais ça paraît vide. Mais c'est une énergie qui n'a pas de forme, mais qui peut faire des formes qui ne peuvent pas être vues avec les yeux du corps. Mais le mot éthérique, c'est un mot. Comme l'éternité est un mot, comme l'éther est un mot, comme un alerte c'est un mot, mais il ne faut pas mettre des formes après ce mot-là, parce que c'est des mots sans forme. Tu vois ça par une énergie, une brillance. Tout le monde est bien. Autant que possible pour ne pas y mettre de forme, c'est mieux de rester avec le monde. Oui, c'est un vide sans forme qui est plein. C'est ça. Qui est rempli d'énergie pure, qui ne peut pas être vue avec les yeux des formes des corps que l'on a accepté avec le corps d'âme. Puis qui va former dans ce monde-là le corps que Bernard appelle le corps moratien. Les rayons Avec ce corps-là, vous pouvez savoir tout ce qui existe dans le monde de l'esprit, dans le monde de dualité, dans le monde de la création, et vous pouvez voyager dans le temps, c'est un mot faux. C'est être dans le temps, dans l'espace et n'importe où et être nulle part en même temps. Mais à partir du monde cordon, dans le monde éthérique, c'est à partir de là que vous pouvez faire ça, aller en bas dans cette modalité de création qu'on existe en tant qu'homme. Mais ça ne veut pas voir de bas en haut, ça veut voir de haut en bas. Les rayons que tu vois, est-ce que c'est ça? Si tu vois dans le théorie à ce moment-là, si tu vois des rayons? C'est pas sûr que dans l'astral, c'est tellement bien fait que vous pouvez voir de la lumière et croire que vous êtes dans le monde éthérique, que ça ne l'est pas. Ça prend réellement. C'est votre ajusteur qui peut vous le faire savoir par la vibration. Parce que avant que vous sachiez à quel corps vous êtes, ça prend un certain temps, à moins d'être averti par votre ajusteur, de penser et d'avoir vécu l'expérience. Parce que vous pouvez comprendre, si vous n'avez pas le savoir, on peut vous induire en erreur, parce que dans la haut astral, c'est drôlement bien organisé. Il ne faut pas se fier tout de suite à la première vue, parce qu'il y a des belles lumières dans la haut astral, c'est fantastique. Je dirais que c'est les créations. Mais c'est pas ça. C'est le monde de l'illusion. Alors faites attention de ne pas être sûr de vous autres à premier coup. Autrement dit, tu perds cette. Tu te sens chercher ce scénario. Vous le savez. Vous le savez vibratoirement. Ça se pense ça pas, ça se réfléchit pas, puis tu peux pas sortir ça. Tu le sais quand tu es là. C'est ça. C'est un choc. C'est ça. C'est un choc vibratoire qui est doux en même temps. C'est une la substance universelle dont tu parlais de moi je pensais qu'il y avait une substance universelle mais qui changeait de qui devenait plus réconnue. Oui, la substance universelle. Il y a une substance universelle, mais elle est la fondation de la création de tous les plans. Puis éventuellement, l'homme pourra manipuler la substance universelle. C'est en manipulant la substance universelle qu'il pourra se créer à volonté des espaces tangibles sur les plans où il pourra exécuter des drones. Mais ça ne sert pas à grand chose. Je t'avais là, à la 5 heures. Quand vous avez commencé à expliquer l'homme-dieu, ça allait bien, tu l'as bien avec moi. Ça aurait été après parce que là j'ai frappé une corde. Là c'est une vibration, là, après ça. Ok, allez. Bye bye. Quand vous êtes dans un stage d'association, vous êtes dans un stage où l'ego essaie de, où l'ego essaie de se trouver un passant. C'est bien la compréhension. Puis, ce passage de la compréhension est manifesté comme l'association. C'est plus de la partie qu'éventuellement, ce passage-là se rétrécit, éventuellement, ça arrête. Parce que si vous voyez les serpents, vous voyez les unicornes, même à la fois, ça fait partie de tout ça. Non, il n'y a rien à comprendre. Ça fait partie de l'association. Je cherchais des poivrons, parce que même jour de la douce, c'était pas mal nul. T'as pas la même affaire, le foie il était après sorti de l'herbe après ça. Ça là, pour vous là, c'est important de savoir que plus vous voyez de gens de ce que vous dites là, votre intelligence, votre savoir est rampe au lieu de voler. Le serpent, ça rampe. C'est une évolution lente. Ça ne s'élève pas très haut, un serpent, d'après ce que je sache. Alors, ce que vous voyez, c'est un symbolisme de rampement. Arrêtez de voir les choses comme ça. Mais c'est quand même la graine, la vie, c'est le début de la vie. Oui, mais restez pas la graine, montez à la tête. C'est important. C'est à partir du moment où tu comprends le travail de l'éducation, quelque part, de l'état psychologique a été le bravo. Même il dit que l'explication du phénomène de la fibrillation, c'est une des explications les plus importantes que j'ai données pour mon intervention. C'est important à ce point-là. Mm. Sa première fois dans l'évolution de la Terre, l'homme sait. Qu'on sait. Parce qu'avant, les initiés venaient pour instituer sur la Terre, au lieu d'instituer. Les initiés. Les initiés dans le passé, ils sont venus pour donner de la connaissance de la science. À partir d'une période d'institution. Et là, on rentre dans une période d'instruction. Parce que l'évolution de la cinquième race, le développement de l'ego, de la pensée rationnelle, ça a beaucoup aidé à augmenter le pouvoir de l'homme sur lui-même, mais ça l'a coupé complètement Puis là, il faut qu'on fasse les deux. Donc, c'est tout un job. Comme dans le masque. École, ça va être une école. Mais l'institut, ça va être ça aussi. Donc, c'est quoi l'école? C'est quoi l'école? C'est une bonne journée de dire, mais vraiment, c'est l'école de l'amour, l'école de l'aide. Et dans l'amour, c'est une façon à vivre. Amen. J'aime pas ça l'école de l'amour. Mais On est dans tout ça, c'est normal. Mais j'ai mieux expliquer ça comme étant. Le meilleur mot, c'est insultant. De l'instruction peut venir ensuite des écoles. Parce que les écoles servent à structurer, à aider l'évolution d'autres hommes après. Il faut qu'il y ait une instruction au départ. Dans la sixième année, il va se former d'autres écoles. Oui, mais ce seront des écoles pour le vrai. Ce seront des écoles où ceux qui enseigneront seront dans la connaissance. Quand tu parles, tu parles qu'on est dans un cycle, ça dure combien de temps? C'est des périodes. C'est pas des périodes. Le début de la cinquième, race a été sur race, ça a duré quasiment 12 000 ans. Parles-tu de la partie? Ouais. Ouais. C'est jamais pareil, Non, puis l'autre, elle va durer 2500 ans. Ah, mon Dieu, elle va durer longtemps, pas si les extraterrestres peuvent pas réussir l'amour. C'est parce que l'amour de l'homme n'est pas complet, ou c'est parce qu'eux ont un travail à faire comme nous, on a un travail d'évolution à faire. Les extraterrestres ont des évolutions totalement différentes de l'homme, parce que leur âme est différente. D'ailleurs, les extraterrestres ont besoin de la conscience humaine pour évoluer systémiquement. C'est pour ça que la Terre, c'est la planète de l'amour. Parce que l'homme a un corps astral, spirituel. Parce que les extraterrestres n'ont pas de corps astral spirituel. Mais si l'homme n'est pas complet, il ne peut pas enregistrer quoi que ce soit au niveau de l'amour de l'homme. Comme tu disais dans une indication que l'extraterrestre ne peut pas enregistrer l'amour de l'homme. Il y a des raisons pour ça. Parce que l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est l'amour en compte. Il n'est pas complet. Non, l'homme va savoir qu'est-ce que c'est l'amour quand tu vas être conscient, tu sais. Là, ça va servir. Parce que l'amour, c'est pas ce que l'homme pense. L'amour, c'est pas ce que l'homme pense. L'amour. L'amour, c'est un pouvoir. L'amour, ça fait. C'est un principe. C'est un pouvoir. L'amour, c'est pas une réflexion. Au niveau du corps de désir, c'est pas un sentiment. Là. C'est totalement impersonnel. C'est totalement impersonnel. Là. Comment on peut enregistrer? Comme intelligence, la volonté cosmique, c'est impersonnel. L'amour cosmique, c'est impersonnel. Les extraterrestres ne peuvent pas enregistrer des choses impersonnelles. Ça veut dire que les extraterrestres enregistreront l'amour de l'homme lorsque l'amour de l'homme sera impersonnel. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils vont pouvoir vivre cet amour impersonnel-là. Ils ne pourront pas le vivre, mais ils pourront en bénéficier. Au niveau de leur lien avec l'homme. La raison qu'elle n'est pas enregistrée, c'est parce qu'elle n'est pas valable. Pas valable. Elle n'est pas subjective. Elle ne peut pas servir à d'autres parce qu'elle n'est mal. Elle nous dessert à nous autres. Fait qu'elle n'est pas utile pour nous. Elle est trop basse. Ouais. C'est la raison qu'il a dit que les autres ne peuvent pas enregistrer. C'est pas parce que les autres ne pouvaient pas, c'est parce qu'elles ne vaut pas la peine dans le sens qu'ils ne pouvaient pas, mais c'est pas utile, c'est une perte de temps. Aussitôt qu'elles se revendent, ils pourront le faire parce que ça revient. Mais à quoi ça va faire à ce moment-là d'enregistrer? Déjà, eux autres, ils l'ont. Ils l'ont pas comme on l'a. Le principe universel enregistré dans une race n'est pas nécessairement manifesté de la même façon dans une autre race. Comme l'intelligence. L'intelligence universelle enregistrée dans l'homme, puis l'intelligence universelle enregistrée dans les extraterrestres qui sont au yard de la mer, c'est pas la même sorte d'intelligence. Il n'y a pas une planète dans l'univers qui est reproduite dans les mêmes conditions que l'autre. Je me dis, il n'y a pas de double planète. Il n'y a pas de double à des planètes. Non. Le fait qu'on est capable de communiquer, c'est quoi le médium là où on peut se rencontrer? C'est à quel niveau l'homme, là, quand tu es compliqué? Avec les extraterrestres? Oui, mais pour l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est universel. L'amour, c'est universel, l'intelligence, c'est universel. Mais la qualité de l'intelligence manifestée dans l'homme est différente de la qualité de l'intelligence manifestée dans un extraterrestre. Donne un exemple. Bon. Supposons qu'un extraterrestre vient sur le plan matériel, puis qui rentre en communication avec un homme qui sait. L'homme qui sait va lui parler de ce qu'il sait. L'extraterrestre va lui parler de ce qu'il sait. Les deux vont parler de ce qu'ils savent. Et ce qu'ils vont dire va se rencontrer dans l'universalité du principe de l'intelligence. Mais les deux vont se servir du principe de l'intelligence différemment dans leur civilisation. Un extraterrestre, par exemple, qui serait intéressé à venir sur la Terre un principe nouveau, disons, l'organisation d'information, des banques d'informatique, les banques, les cerveaux électroniques. Il le ferait dans une intelligence qui est totalement différente de l'intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme va créer des cerveaux électroniques pour accélérer le processus d'analyse. Tandis que l'extraterrestre, lui, il va se servir de ces cerveaux-là pour augmenter le pouvoir de sa machinerie dans son déplacement dans le temps. Les extraterrestres sont bien plus intéressés dans l'augmentation du pouvoir de machinerie et le perfectionnement des trajectoires de leur déplacement que l'homme. L'orientation d'intelligence dans un cerveau extraterrestre est totalement différente de l'orientation d'intelligence dans un cerveau de l'homme. Exemple graphique. Là. Tu prends deux chiens. OK? Ils ont tous les deux quatre pattes. Ils ont tous les deux du poil, tu les mets tous les deux sur la même rue, puis ils vont être dans deux directions différentes. Ben là. Alors, deux êtres humains, ça fait. C'est comme le concept de gouvernement. Le concept de gouvernement, un homme. Un gouvernement sur une planète comme la nôtre, au stade de notre évolution, nécessite que le gouvernement matériel soit secondé par le gouvernement invisible. Pour qu'il y ait de l'ordre dans le gouvernement matériel, ça, ça implique. Ça implique qu'il y ait des gens dans l'invisible qui puissent communiquer avec des gens qui sont sur le plan matériel pour leur dicter des tracés, des voies d'action. Tandis que les extraterrestres, leur forme de gouvernement, elles sont totalement différentes. Des gouvernements extraterrestres sont le produit d'une conscience intelligente unique. Tu as un homme qui rend tout le jour. Tandis que sur la Terre, tu peux avoir un concile, il peut y avoir une hiérarchie, mais il y a un concile. Parce que l'intelligence de l'homme n'est pas expérimentée de la même façon que l'intelligence de l'extraterrestre. Puis, c'est compliqué, ça va. Il faudrait que je parle là-dedans pour vraiment sortir. Mais ça, c'est pas des terres, c'est juste. En tant que gouvernement invisible, même, tu sais qu'il y a, tout à l'heure, tu vois, tu as une petite vision. Ouais. Bon, j'avais vu une race. C'était vite. J'ai déjà dans mon ancien, et tout, l'ancien. Ouais. Ça a l'air sur une relation. Comme ça, c'est des peines. Je l'ai vu par un client. C'était un enfant de ces êtres-là. C'est une réanimation qui n'est pas sur Terre. C'est tellement avancé. On a pas besoin d'être des outils comme les autres rudimentaires. Est-ce qu'il y a de voir le gouvernement? Ouais, mais comme tu dis, c'est un qui mène. Un grand cloche. Oui. Et lui, là, il mène de. Ah. Ouais. Parce qu'ils sont tous dans la même intelligence. Les yeux, là. Parce qu'ils sont tous dans la même intelligence. Ouais, les yeux, c'est différent des autres, hein. Ouais. Parce que les autres sont restés ici, puis oui. Parce que je l'ai mis de côté. Ouais. Il y a 360 degrés de. Partout, là, tu sais. Ah. Donc, non. La manière qu'il était placé, là, quand je l'ai vu, là, c'était à peine, mais je voyais que l'œil dépassait, parce qu'il était bombé. Il devait en. Par contre, c'est déjà le végétarien, ils appellent le végétarien, pas de sexe, là. Il n'y a pas de. Par contre. Là, bon. Mais il y a des dimensions à l'intérieur. Les machines sont très avancées, mais c'est comme une grotte qu'on voit, tu sais, les murs. D'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose que vous allez trouver drôle. Plus les êtres sont évolués, plus ils sont rudimentaires. Ah, ouais. Et ça, on a besoin. C'est juste avec le psy. Quand tu disais, là, tantôt, quand tu dis qu'il s'occupe du déplacement, il n'y a pas de raison de se silencer dans sa roue. Il y a une pensée à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que l'homme. Dans l'évolution de l'homme, parce que l'homme va être très, très avancé. Mais l'homme est très beau. Quand je dis que l'homme est beau, je ne veux pas dire que l'homme est beau parce qu'on est des hommes qu'on prêche notre paroisse. L'homme est très beau, puis si tu regardes sur ton écran mental la vibration d'un être humain, là, tu vois qu'elle est très haute. Oui, elle est. L'homme est très beau. C'est vrai, pas lumineux, parce que c'est pas bien, c'est lumineux. Mais c'est qui crée la beauté, ce qui est à la base de la création de la beauté de l'homme, c'est son corps astral. Ouais. C'est à cause de son corps astral que l'homme est si beau. Je comprends que le corps astral, il sert. De l'autre côté aussi, c'est que le corps astral est un siège d'émotion. Ouais. Ça, c'est pas bon. Parce qu'éventuellement, l'homme achète. L'homme a peur. Fait que, c'est un couteau à deux tranchants. L'homme, il est beau à cause de son corps astral. Puis, il a peur à cause de son corps astral. Fait que, pour que l'homme entre en contact avec des êtres qui sont très avancés, qui sont pas capables, il faut que son corps astral soit transmis à l'énergie mentale. Ils nous envient parce qu'ils savent qu'on a été créé parfait. Ça, c'est une Ils ont droit d'y retourner. Les autres n'ont pas été créés parfaits. Ils ont pas été créés parfaits, mais ils ont été créés avec un poids d'évolution mentale supérieur à nous autres. C'est comme si nous autres, là, ça a été bien long là, d'affaires. Tandis que ça, ça a été bien vite, relativement parlant, pour arriver à. L'homme a été créé parfait. Mais il a perdu sa perfection, il doit retourner à la perfection. Tandis que ça, ils n'ont pas été créés parfaits. Ils ont été ils ont été créés avec une patate. Il n'y a pas une exode, mais là, ce qu'ils nous ont envie, même des morts, nous ont envie. C'est tellement vrai, ça, que si tu retournes dans le temps où Vénus était gazeux, tu regardes l'homme, tu vas voir que l'homme a la grandeur au niveau de toute la composition atomique de l'humanité. Il est fort. Il a la grandeur à peu près de tout le diamètre de Vénus. L'homme au début, là, quand ils ont créé l'homme, ils n'ont pas créé bien du monde. Ils ont créé une forme universelle. Puis la forme universelle de l'homme est quasiment le diamètre de la planète de Vénus. Qu'est-ce que ça va être ça? Ça fait un écran mandat? C'est ça que je voulais t'expliquer tout à l'heure, j'en avais pas parlé. C'est donc j'ai des grains mais comme rose. Mais je ne veux pas rentrer là-dessus. Je vous parle pour vous faire comprendre un petit peu les mystères de l'humanité, mais je ne vous en parle pas trop pour vous embarquer dedans. Ça change absolument. Absolument. C'est une connaissance. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle je dévoile les mystères, c'est pour vous faire comprendre qu'on sait bien. Que tout ce qu'on a appris, c'est pas ça. Ouais. C'est la seule raison. Pour vous faire comprendre qu'une séparation totale entre la réalité et le mensonge cosmique. Tout ce qui nous a été. As-tu remarqué que quand on a parlé de l'homme, de la grandeur de l'homme, il y a une vibration? Ouais. Tu sais, il y a une vibration? Si mon Dieu a fonctionné, ouais. Il y a... Le fort qui a voulu s'expliquer, c'est que c'est le tout. C'est sa grandeur, c'est le tout qui revient au tout. Déjà. Ben, ça me fait toujours un recul, moi. C'est pas... Je comprends. Il y a une chose que je veux vous dire, ça c'est bien important. Quand je vous dis quelque chose, il faut toujours que vous essayiez de le comprendre par eux autres. Ce que tu fais, toi, là, naturellement. Quand je vous dis quelque chose, puis que vous ne comprenez pas, que vous avez besoin d'explication, demandez-les à eux autres, qu'eux autres vous l'expliquent à votre niveau pour vous autres. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Tu restes dans le bas. Parce que on voit ça qu'il discutait par l'art tantôt par les petits morceaux. Les petits morceaux. Ah, ouais. Il y en a qui ont la faculté de. Si je dis quelque chose, c'est tout. Tu sais, il y a une communication verticale qui se fait. Ça, c'est bon. C'est parce que les sens sont pas ouverts. C'est parce qu'ils les ont fermés. Parce que c'est pas le temps. La conscience doit rester dans l'esprit. C'est comme ça que je l'ai dit. La conscience doit rester dans l'esprit. La conscience va rester en vie. Mais ça, c'est pas comme ça que je dis. C'est une gazette, ça? Non. La conscience, c'est la base. Si vous changez moindrement un mot, quand vous dites que j'ai dit ça, à ce moment-là, je le comprends pas. Parce que la vibration est plus pareille. J'ai des grandes limitations parce que j'ai des grandes possibilités. Plus tu as des grandes possibilités, plus tu as des grandes limitations. Si on veut la droite, c'est une limitation. Ouais, je m'en fous, je m'en lave. Bon, bon. Ok. 3 ans. Avant, j'arrive à Sainte-Marguerite. Je me demandais tout à l'heure comment est-ce que tu fais pour tenir un col fermé comme ça pendant des heures parmi nous autres, il n'y en a presque aucun. C'est pas fatigant. C'est bien, papa. Ça fait partie de toujours la domination de l'esprit sur la matière. Parce que l'astral, lui, il veut prendre saisie. Parce que l'esprit, la volonté veut toujours dominer la matière. Donc ça se manifeste dans le vêtement aussi. Le respect pour le monde. Les fois, je vais le descendre un petit peu, mais pas trop longtemps. Si j'ai une tension. Ben là, il faut remonter. Le respect. Ça fait partie de la conscience. Ouais, c'est ça. Tu respectes le monde à qui tu parles. Les gens sont anciens, respectent.